dança, que dançou nosso destino. Se tu não sabes dançar, é comigo que eu te ensino. Se tu é teu corpo no meu, seremos um só ser. Cada dança sensual, tudo pode acontecer. Unida, olé, olé. Unida, olé, olé. Vai comigo, olé, olé. Eu te ensino, olé, olé. Ai, ai, ai, ai, que samba é que é bom. Ai, ai, ai, ai, vem comigo que samba. Ai, ai, ai, ai, este ritmo e este som. Dança comigo agora, porque sei que vais adorar. Comigo, oi, oi, oi, oi, o amor. Eram um daqueles dias bem chalados, e o sol batia forte nas cabeças. As minas viram quem estava apanhado e disseram nunca mais que apareças. Mas voltei entretido-me a bailar com três. Riam que fosse atrás do convés, mas eu e o Andrias ia andar, punham-me enganar. Que bateu as botas com dois um. E o foguete vai no ar e de repente fica todo queimado. Não ninguém vai mais bem. As meninas da Ribeira do Sado, as meninas da Ribeira do Sado é que lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Têm carrapatos. Arc-en-ciel.

ciel. C'est aussi ça. We'll be right back. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici l'accordéon, il est donc 13h25, voici donc le retour de l'accordéon. Bienvenue à tous et à toutes si vous prenez l'écoute et nous sommes ensemble en toute l'après-midi. Aussi, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée avec l'émission Le Téléphone Sonne et vous allez retrouver donc eh bien la semaine prochaine. Donc, eh bien, je vous souhaite de passer bon après-midi, tout simplement. Et puis, on va vous laisser avec, bien sûr, deux morceaux différents, la valse, et puis juste après, le tango. Mais je vous laisse déjà avec la valse viennoise.

voici le Fox et puis juste après Madison. Thank you. Arc-en-ciel. Voilà donc, eh bien, je vais essayer maintenant avec l'accordéon plus la chanson, mais le même style de musique et de chanson. C'est tout simplement l'accordéoniste, c'est plutôt avec le petit vin blanc, et puis l'autre, ce sera pareil, mais en chanson, avec Jean-Marc Thibault. Et puis juste après, on écoutera tout simplement Adieu Julie Candice, mais aussi en accordéoniste. Voilà, c'est pour une auditrice, tout simplement pour Chantal. Voilà donc. Sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait les avances. Venez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agiles sur l'onde tranquille les marques dociles au bras des amants. De fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont prêtes et il y a du vin blanc. Petit vin blanc, on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans le bois, dans le creux, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Que

donc la valse. Et puis juste après la valse, on écoutera la guinguette. Thank you. voici donc le tcha-tcha. Donc deux organistes que nous maîtrisons aiment bien, c'est Eric Bouvel et puis aussi Corinne Rousseli. Les voici.

Ramos et puis juste après la rumba. We'll be right back. l'instant le tango. voici la musette. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc eh bien la marche. Et puis juste après la marche, ce sera du côté de la polka. Thank you. voici donc la polka et puis juste après le slow. Thank you. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici le Fox. Laval, et puis suivi Madison. Thank you. on danse un Madison. Ça vaut mieux que de jouer au badminton avec les cow-boys, on joue à Kit Carson. Aux États-Unis, il y a les hôtels Hilton. On ne se prend pas la tête, on est là pour faire la fête. Allez tous ensemble, on danse un Madison. Vous êtes les rois du pétrole. On va perpéter les plombs et les casseroles. Avec une guitare, on joue du rock'n'roll. On se prend pour Johnny, pour pousser notre idole. En 60, tiens la nuit, aussi l'école est finie. Allez tous ensemble, on danse le Madison.

Arc-en-ciel. We'll be right back. chanson, mon danse ma vie sonne. Ça vaut mieux que de jouer au badminton avec les cow-boys, on joue à qui Carson. Aux États-Unis, y a les hôtels Hilton. On ne se prend pas la tête, on est là pour faire la fête. Allez tous ensemble, on danse ma vie sonne. Voici donc le Country Madison. la guinguette, pardon, la guinguette, voici le fox. Et puis juste après, Bals.

Voilà cette musique qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver prochainement tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez passé tout simplement un très bon après-midi avec l'accordéon. Eh bien, on se retrouve donc eh bien dimanche prochain tout simplement pour le retour de l'accordéon. Voilà aussi, on se retrouve aussi donc mardi, pareil, à partir de 13h30. Eh bien, je vous dis, passez tout simplement bon après-midi, tout simplement. Et puis donc, pour ceux tous ceux qui sont en vacances, eh bien, profitez très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Et vous donne frisson. Il vous entraîne dans un gai tourbillon. On sent le bonheur qui vous prend par la main pour vous chanter des plus joyeux refrains. Parce que c'est bon d'entendre l'accordéon. Il y a de la cadence pour toutes les danses. On a le cœur tout gonflé de chansons quand on entend un air d'accordéon. Pequenas. Outro aliciante para os sócios e simpatizantes desta equipa minhota é que hoje vai estrear-se o novo treinador Sérgio Machado.